du rôle de l'ANR dans le financement des SHS par Gérard Lanclus. Merci de m'avoir invité à participer au débat qui se déroule dans ce séminaire dit alternatif. Mais je voudrais tout de suite donner quelques précisions d'entrée de jeu sur ma participation à ces débats, qui n'est absolument pas celle d'un spécialiste de politique scientifique de recherche, bien entendu. Alors, quelques précisions. Premièrement, je ne suis évidemment pas le porte-parole de l'ANR. Je ne suis pas payé pour chanter ses louanges ou pour la défendre, soit contre des attaques de principe au nom de la nocivité intrinsèque des financements sur contrat, ou contre des critiques qui sont apportées à son mode de fonctionnement, je pense particulièrement à l'évaluation. Donc le premier point, c'est bien celui-ci, je ne défends pas en tant que tel l'ANR. Deuxième point, pour que les choses soient également très claires, je n'ai jamais eu ni l'envie ni l'idée de répondre à un appel d'offres de l'ANR. Je n'étais pas particulièrement chaud lorsque j'ai assisté depuis le département SHS du CNRS à l'apparition de l'ANR sur la scène scientifique. Les conditions en étaient totalement précipitées et assez curieusement, il a fallu que ce soit le CNRS qui apporte les experts qui manquaient totalement à l'évaluation des projets déposés. Enfin, je précise que je ne connais de l'ANR que parce que j'ai participé sur le tard, d'une part, à un certain nombre de ces comités scientifiques en charge d'arbitrer les projets candidats, et je l'ai fait en tant que rapporteur, comme un grand nombre d'autres rapporteurs, c'est-à-dire de types qui proposent des noms d'experts et qui confrontent les avis d'experts entre eux. Et puis, j'ai participé sur le tard également à un certain nombre de réflexions de son comité dit sectoriel SHS, qui est chargé d'éclairer, on va dire, l'ANR en ce qui concerne l'élaboration de sa politique scientifique, c'est-à-dire très concrètement, choix de thématiques prioritaires, proportion des appels d'offres thématiques par rapport aux appels d'offres blancs, définition des appels d'offres thématiques, modalité de leur lancement et surtout leur chronologie, pluriannuelle ou non, et enfin et peut-être surtout aux discussions qui consistaient à se demander comment associer les communautés scientifiques au choix des thématiques, sachant que, bien évidemment, une thématique réussie pour l'ANR, c'est une thématique où il y a de nombreux projets déposés. Je dirais rapidement que ce sont les activités normales d'une agence de moyens dans le domaine de la recherche. Et je voudrais rappeler à ce propos-là que l'expression d'agence de moyens, c'est une expression qui est essentiellement vague. Elle identifie extrêmement mal les institutions. Il y a évidemment toujours eu des agences de moyens avant qu'il n'y en ait officiellement en France. Je dirais que le CNRS en était, et je pense en est toujours une à sa façon, et un laboratoire l'est évidemment à sa façon pour ses membres. Le problème pour définir une agence de moyens, c'est uniquement un problème de calcul des proportions. Troisième remarque, je ne suis absolument pas qualifié pour évoquer les conséquences induites par l'existence de l'ANR sur la recherche proprement universitaire. J'ai tendance à croire que ces conséquences sur la recherche universitaire sont beaucoup plus importantes que celles déjà notables, constatables dans les organismes de recherche, en l'occurrence au CNRS. La recherche universitaire était au sens le plus strict la parente pauvre, elle l'est aujourd'hui moins financièrement grâce à l'ANR. Quatrièmement, et là je vais sans doute heurter le sentiment d'un grand nombre d'entre vous, je n'ai jamais pensé, et je ne crois pas être le seul, que le principal obstacle de la recherche en SHS, en France et au CNRS était la pénurie financière, en bloc. Ce qui ne veut absolument pas dire que, éventuellement, dans le détail, des secteurs de recherche inégalement dépensiers ne disposaient pas de moyens suffisants. Ce que je veux dire, c'est qu'en bloc, le financement alloué, par exemple, au CNRS en matière de recherche SHS n'a jamais cruellement péché par défaut. Ce n'est pas vrai. La meilleure preuve en est, c'est que les laboratoires, de nombreux laboratoires, n'arrivaient pas à dépenser les moyens qui leur étaient alloués. Je vais même donc, par conséquent, dire que la réponse apportée par l'ANR sous forme de financement à la recherche SHS n'est évidemment pas la seule réponse à un problème unique qui se poserait. Et disent certains, la panacée, certainement pas. Mieux même, je suis convaincu que les sommes distribuées à nombre de projets par l'ANR, entre 2005 et 2008, une moyenne allant entre 145 000 et 175 000 euros par projet, eh bien ces sommes-là sont excessives et pourraient être mieux employées autrement. Je pense, et ça explique, ceci explique peut-être cela, je pense que les SHS n'ont pas à singer les sciences de la nature. Or, c'est un tout petit peu comme ça que ça se passe, on va dire en gros, au sein des institutions de financement, où le sérieux d'un projet se mesure au départ au montant demandé. Un projet de 15 000 euros, en bon français, n'est pas nécessairement pris au sérieux, ce qui est absurde. Il y a donc, et là il faut le noter, une complicité objective, comme on disait autrefois, entre l'agence de moyens et la communauté scientifique pour surévaluer le coût des projets. En soi, ça serait peut-être pas grave, sauf que ça a des conséquences extrêmement graves pour les autres formes de financement. Et j'en viens justement à ma cinquième précaution. Pour que les choses soient claires, je suis convaincu qu'il faut maintenir un principe de dualité de financement, sans doute un financement sur projet, mais également un financement récurrent sur des programmes au long cours qui correspondraient à peu près à ce qu'on pourrait appeler une exigence de veille scientifique. Je vais prendre à titre d'exemple, qui n'est pas tout à fait imaginaire, le tout petit nombre de chercheurs qui travaillent sur les manuscrits de la Mer Morte. Leur déchiffrement, c'est une entreprise de longue haleine. Si on la juge pertinente, et en attendant l'émergence de laboratoires de recherche européens, sinon internationaux, eh bien cette entreprise-là, elle ne peut pas s'accommoder des à-coups d'un financement sur contrat qu'au demeurant, elle n'obtiendrait pas. Sur ce point précis qui me paraît très important, la nécessité pour les SHS en France d'un financement récurrent, les responsables de l'ANR en sont parfaitement d'accord. Et à ma connaissance, aucun d'eux n'a jamais prétendu détenir un monopole du financement en SHS, ni se substituer aux organismes de recherche ou aux universités. Ce n'est pas de leur faute si ces organismes de recherche éventuellement ou ces universités éventuellement n'ont pas de politique de recherche. Je pense par conséquent que si une distorsion flagrante entre le financement sur projet et le financement récurrent venait à franchir un certain seuil, ça résulterait seulement d'un a priori idéologique et de source politique, même si de nombreux chercheurs y souscrivent, en le disant ou en ne le disant pas. Voilà, maintenant, quelques réflexions rapides sur le rôle de l'ANR dans le financement des recherches SHS. Alors, est-ce qu'elle a changé la donne dans le financement des recherches? Ben évidemment, progressivement. Deux ou trois chiffres simplement, pour qu'on les garde en mémoire. Entre 2005 et 2008, 2297 projets ont été déposés. Je dis bien 2297. Ce qui indique, au demeurant, le nombre de projets candidats qui émanent d'équipes universitaires, hein, 2297. Sur ces 2297, 578 ont été financés pour un montant global de 104,4 millions d'euros, avec, je l'ai dit, une allocation moyenne par projet entre 145 000 et 175 000 euros. Je remarque en passant que cette allocation moyenne par projet est infiniment supérieure au montant moyen du budget attribué, en tout cas par le CNRS, à ses laboratoires SHS. Donc, évidemment, l'ANR a changé la donne dans le financement de la recherche SHS. Elle a globalement plus de moyens, ça serait complètement absurde de le nier. Maintenant, la question intéressante, c'est celle-ci. Est-ce que cette transformation du mode de financement de la recherche SHS, eh bien, est-ce qu'elle a modifié le contenu intellectuel de la recherche? Alors, à cette question, je dis franchement que je n'apporterai aucune réponse et que je serais très, très curieux de la voir, cette réponse. Je doute fortement que quiconque soit en mesure de la donner, hein, du moins une réponse sans a priori. Pourquoi? Parce que pour y répondre, il faudrait enquêter bien davantage chez les chercheurs que sur l'ANR. Ce qu'il faudrait savoir en particulier, c'est comment un chercheur qui dépose un projet, qu'est-ce qu'il a dans la tête au moment où il le fait? Est-ce qu'il formule son programme de recherche ou est-ce qu'il ajuste son programme de recherche à ce qu'il pense devoir être attendu par cette institution qu'est l'ANR, notamment, éventuellement, attendus, des attendus, si je peux dire, supposés de l'ANR à ce sujet. Ça demanderait donc une enquête extrêmement approfondie qui, à mon avis, amènerait à des conclusions très nuancées. Une chose est sûre, c'est qu'il est absurde de prétendre, mais vraiment absurde, de prétendre que l'ANR importe dans les SHS un critère d'utilité immédiate, comme je l'ai pu le lire, qu'elle instrumentalise les SHS, je l'ai lu, qu'elle privilégie à tout prix le socio-économique, et pourquoi pas, qu'elle apporte ses sciences sur un plateau, alors à ce que vous voulez, depuis le CAC 40 jusqu'à éventuellement le Grand Capital, qui, au demeurant, je demande ce qu'il pourrait en faire, hein, des SHS. D'ailleurs, Jean-Charles, tu serais bien mieux qualifié que moi pour dire si véritablement ça peut être le cas. Je rappellerai simplement, pour vous montrer l'absurdité de cette prise de position, c'est qu'en 2009, l'ANR a financé 116 projets pour un montant global de 28 millions d'euros. Sur ces projets, 33 étaient thématiques contre 61 non thématiques et 22 de coopération internationale. D'accord ? Est-ce que ces 61 projets non thématiques, financés par plus de 50% du montant global disponible, est-ce que ces 61 projets véhiculaient une intention qui n'était pas une intention de connaissance au départ ? Soutenir ce point de vue, à mon sens, c'est injurieux pour la communauté scientifique elle-même. Alors maintenant, il y a une toute autre question qui se pose. C'est celle-ci. Est-ce que le mode de financement de la recherche sur projet, tel qu'à l'ANR, est-ce qu'il a transformé le mode d'exercice de la recherche, le mode d'exercice en SHS? La réponse, elle est certainement oui. Et là, c'est bien le fonctionnement de l'ANR, mais aussi l'adhésion de fait de la communauté scientifique à son principe de fonctionnement qui sont à l'origine de cette transformation du mode d'exercice de la recherche. Je vais aller très vite et ne prendre que deux points. Premier point, l'ANR a de fait une politique scientifique. Elle s'exprime par exemple dans le choix de conjoindre des appels d'offres blancs et des appels d'offres thématiques. Ici ou là, notamment dans les réunions de discussion pour la préparation des appels d'offres, un certain nombre de voix s'élèvent pour privilégier absolument le principe de l'appel d'offres blanc. C'est entre parenthèses celui qui a été retenu par l'ERC. L'idéologie du blanc, je vais caricaturer, l'idéologie du blanc, c'est deux propositions. Premièrement, personne n'a à définir les objets de recherche qui devraient être ceux des chercheurs, aux chercheurs de les définir. Deuxièmement, que le meilleur gagne. C'est ce qu'on entend à l'ERC. Je voudrais faire deux remarques à ce sujet. Assez curieusement, et je ne peux pas m'expliquer bien le phénomène, les chercheurs répondent davantage aux appels d'offres thématiques qu'aux appels d'offres blancs de l'ANR. Premier point. Et excusez-moi, ça ne va pas de soi dans mon esprit et ça ne va absolument pas de soi pour les gens qui y travaillent. Deuxièmement, tout repose évidemment sur le problème de la qualité de l'évaluation. Si on dit comme à l'ERC que le meilleur gagne, très bien, mais est-ce que c'est le meilleur qui gagne toujours ? Je voudrais faire deux réponses très très provisoires à propos de ces deux remarques rudimentaires. Si les chercheurs répondent davantage aux appels d'offres thématisés, il s'ensuit ipso facto que la politique scientifique de l'ANR est suivie des faits. Il va de soi que dans l'autre cas, ça ne se passerait pas de cette façon-là. Les programmes de recherche thématisés, qui sont d'ailleurs volontairement très ouverts, de manière à ce qu'il y ait un nombre suffisant de réponses, hein, ces programmes de recherche contribuent donc plus ou moins à modeler, je ne dirais pas exactement le contenu intellectuel des projets déposés, mais au moins la délimitation globale de leur sphère. Et là, je dirais très simplement que moins les organismes de recherche ou les universités élaborent des programmes scientifiques pour les unités qui en dépendent, eh bien davantage sera efficiente la politique scientifique d'agences de moyens telles l'ANR. Alors dirait-on maintenant que la seule politique scientifique de recherche qui vaille serait celle élaborée au jour le jour par les chercheurs eux-mêmes ? Peut-être, sans doute, mais dans ce cas-là, il faudrait savoir quelle est la main invisible, hein, qui va procéder à la répartition des moyens. Qu'est-ce qui va dire, par exemple, au CNRS que on réservera tant à telle discipline, tant à tel champ de recherche, etc. Au CNRS, pour autant que je l'ai connu quand j'y suis arrivé, la main invisible était tout simplement la main de l'habitude. On reconduisait grosso modo, le principe de répartition d'hier, dont toute modification entraînait des réactions de la part de chaque communauté disciplinaire qui jetait un coup d'œil, évidemment, sur le budget de la communauté voisine, d'où réaction, d'où problème. Je dirais que, grosso modo, la main invisible, c'était tout simplement la main qui avait agi la veille. Dans le cas de l'ANR ou dans le cas d'une autre agence de moyens, la main est visible, elle choisit de grandes orientations thématiques et de fait, je dis bien de fait, la réponse à ces appels d'offres témoigne d'une certaine forme d'adhésion de la part de la communauté scientifique. Il suffirait bien évidemment que dans le cas d'un appel d'offres thématisé, les gens ne répondent pas pour que cet appel d'offres ne soit pas continué. Réponse provisoire maintenant pour ce qui en est de l'évaluation. Il semble, et je crois que ça s'explique assez aisément, qu'il est plus facile d'évaluer des projets répondant à un appel d'offres thématisé que blanc, tout simplement parce qu'il y a une référence partagée. L'ERC, par exemple, a fait le choix du blanc. Est-ce que c'est toujours le meilleur qui gagne? Certaines personnes ici pourraient répondre mieux que moi, au moins à cette question. Dans le cadre des programmes thématiques de l'ANR, l'agence, il faut le souligner, a recouru il y a 2 ans à 85 rapporteurs, dont 36% d'étrangers, et ces 85 rapporteurs ont sollicité, je dis bien sollicité, 2334 experts. Une chose intéressante à noter est celle-ci, 46% des experts sollicités ont effectivement livré des expertises. Est-ce beaucoup ou n'est-ce pas beaucoup? Je ne sais pas. En tout cas, il est clair que le problème crucial est celui de la disponibilité des chercheurs pour tenir lieu d'experts et celui du temps qu'ils acceptent d'y passer. Alors, est-ce que c'est le meilleur qui gagne? Avec cette conséquence que l'ANR contribuerait activement, dans ce cas précis, à structurer le champ de la recherche en SHS. Je ne vois pas très bien qui peut répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que les projets sont effectivement discutés et qu'un avis final est rédigé qui est suffisamment détaillé en général, me semble-t-il, pour que le candidat malheureux ait une idée pas trop vague des raisons de son échec. Je dirais, sans du tout porter un jugement global, ce qui est impossible, que c'est plus transparent que dans d'autres enceintes d'évaluation où il fallait souvent quémander des bribes d'informations dans la mesure où le rapport fait ne rendait pas compte, et chacun le savait, de la réalité des débats. Deuxième aspect différent du changement provoqué par le financement du projet et qui concerne toujours le mode d'exercice de la recherche. Si une agence finance à une certaine hauteur des projets émanant sinon d'individus, mais d'individus associés entre eux, mais en tout cas pas de laboratoire, est-ce que l'ANR a contribué, si j'ose dire, à désocialiser la recherche en SHS? Par exemple, est-ce qu'elle a introduit dans les laboratoires un principe de concurrence généralisée? Là, je crois que sur le sujet, il faut également être honnête. L'ANR n'a certainement pas importé la lutte de chacun contre tous dans un univers qui aurait été caractérisé uniquement par le travail collectif. En bon français, je le dis, il n'a pas fait pénétrer le loup du contrat dans une bergerie. Dans des proportions qui varient évidemment selon les chantiers disciplinaires, la recherche en SHS a toujours revêtu un aspect assez individuel et pour des raisons qui ne sont certainement pas toutes mauvaises. En revanche, le financement sur contrat a certainement accéléré une évolution qui peut conduire, dans certains cas et dans certaines disciplines, à rendre totalement problématique la réalité scientifique de la notion de laboratoire. Je vais prendre pour terminer un cas extrême et certainement totalement imaginaire. Un laboratoire dispose d'un récurrent de 25 000 euros. Un chercheur de ce laboratoire dépose à l'ANR un projet qu'il compte réaliser avec quelques collègues appartenant à plusieurs autres formations de recherche. il gagne le jackpot, 250 000 euros, c'est-à-dire très exactement 10 fois le montant de la somme que le responsable du laboratoire répartissait aux chercheurs dont les différents projets constituaient le programme scientifique du laboratoire. J'ignore comment ça se passe dans la plupart des cas, mais ce qu'on peut très bien imaginer, c'est l'évolution suivante. L'activité scientifique en SHS deviendra de plus en plus le fait d'équipes dont la constitution est ad hoc en vue de l'obtention de financement, et ces équipes coïncideront de moins en moins avec la composition du laboratoire. Soyons là encore une fois honnêtes, le fonctionnement en réseau plus qu'en laboratoire était déjà un trait caractéristique de la recherche en SHS. Mais ce trait caractéristique va certainement s'accuser avec le poids du financement contractuel. Et alors, qu'est-ce qu'il en sera du maintien de ce que j'ai appelé la veille scientifique, le maintien de ces entreprises d'accumulation du savoir au long cours? Là est, je crois, le vrai problème.